du, de. Ce, sale. Fait, fin. Cœur, quelqu'un. Passe, pense. L'eau, long. Enfin, parfum. Sans, son. Lui, Louis. Plan, blanc. Tu, du. Quand, gant. Foi, voix. Dis, dise. Chez, j'ai.